être d'immense envergure, voler vers le ciel, partir loin de l'obscur, pouvoir regarder le monde de haut, oublier enfin tous ses défauts, pouvoir enfin vivre tout en étant libre d'être un aigle qui survole la terre, être un aigle qui domine l'enfer, être libre, appartenir au ciel, pouvoir vivre, voler de mes propres ailes. Si un jour la liberté se perd, que le monde oublie son seul rêve, si être libre, oui c'est être brigand, moi je me mettrai à aimer Satan et je me battrai jusqu'à en perdre la tête pour pouvoir un jour peut-être être un aigle qui survole la terre, être un aigle qui domine l'enfer, être si les coups qu'on me donne me font mal, droit debout, je serai sans une larme. La liberté, oui, n'est pas toujours celle que l'on croit. Moi, la seule possibilité que je vois.